La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Deux grandes auteures italiennes du XXe siècle qui ont en commun une forte empathie pour des personnages marginaux, adolescents ou fragiles et qui savent nous faire entrer dans leur esprit sans faire peser sur eux de psychologie trop lourde. Voilà des exemples de rapprochement que l'on pourrait peut-être oser entre Elsa Morante et Goliarda Sapienza, ces deux femmes dont nous parlons successivement dans cette émission jusqu'à demain. Elsa Morante, d'abord auteure célèbre de son vivant grâce à l'île d'Arturo et à la Storia, femme du non moins célèbre Alberto Moravia. Nous en avons parlé lundi et mardi avec René Tsekati qui nous a raconté d'abord sa vie, puis avec Simonetta Greggio et Martin Rueff mardi pour insister notamment sur son engagement politique. Et puis demain, nous terminerons avec Frédéric Martin, l'éditeur de Goliarda Sapienza en France, qui nous parlera de son livre L'art de la joie ainsi que de ses carnets. Et aujourd'hui, pour raconter la vie de Goliarda Sapienza, nous sommes avec vous, Nathalie Castagnier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la traductrice de cette œuvre depuis la publication de L'Art de la Joie en 2005 aux éditions Viviane Ami. Publication qui a changé la perception que l'on avait de cette romancière jusque-là très peu connue, y compris et peut-être même surtout dans son pays, l'Italie. Mais vous avez aussi traduit les autres textes de Sapienza, comme des extraits de son journal sous le titre Carnet, Mais aussi son récit de prison, l'université de Rebibbia, mais encore son récit Les certitudes du doute, son roman Rendez-vous à Positano, non publié de son vivant, ainsi que l'histoire magnifiée de son enfance dans le roman Moi, Jean Gabin, autant d'œuvres qui disposent aujourd'hui d'une solide base de lecteurs, car avec ses livres, Sapienza semble avoir créé, et même par-delà la mort, pourrait-on dire, un lien spécial avec ses lecteurs qui entretiennent avec elle une relation souvent très très puissante. Je le crois, oui. D'ailleurs, une critique au moment de la parution de L'Art de la Joie avait parlé d'une aventure, je crois, existentielle quand on lisait Goliarda Sapienza. Et effectivement, ce n'est pas simplement une aventure littéraire. C'est aussi une aventure de vie. Et j'ai rencontré même beaucoup de personnes, de femmes notamment, et qui avaient été mais réellement bouleversées dans leur existence par la lecture de ce livre. Et qui vous disent quoi alors ? Que ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie, oui, complètement. Oui, oui. C'est incroyable, mais c'est très étonnant ce qui se passe avec cet auteur, de ce point de vue. Alors, il faudrait, pardonnez-moi, ajouter peut-être aussi, parmi les livres que vous avez traduits, le récit d'Angelo Pellegrino. Oui. Qui est donc le mari de Goliarda. Voilà, son second compagnon, puisqu'elle avait dans un premier temps vécu, je crois qu'elle a vécu environ une vingtaine d'années avec chacun d'eux d'ailleurs. Son premier compagnon était Cito Francesco Maselli, un cinéaste et responsable du cinéma au Parti communiste italien, donc une personne quand même assez importante à l'époque, vu que le milieu intellectuel et artistique italien était, comme vous savez, était communiste. Et donc, voilà, ça c'était son premier compagnon, Angelo Pellegrino, qui était d'ailleurs nettement plus jeune qu'elle, d'une vingtaine d'années. Il a 29 ans quand ils se rencontrent à la fin des années 70. Voilà, a été quelqu'un qui a vécu également environ 20 ans avec Goliarda. Ensuite, ils sont devenus plus compagnons qu'amants, en tout cas. Mais Angelo est quelqu'un qui a gardé une fidélité absolument extraordinaire pour Goliarda, et d'ailleurs c'est grâce à lui que L'Art de la Joie est sorti de l'ombre, puisqu'il a tenu à bout de bras ce livre qui était dans un coffre, enfin qui était abandonné, jusqu'au moment où il a réussi à le faire publier dans une toute petite maison d'édition italienne, très marginale, et puis bon, il y a eu toute l'aventure connaissez qu'on ou qu'on reprendra peut-être, qu'on avec va. Frédéric voilà, Martin. Voilà, exactement. Donc il a su, Angelo Pellegrino, mieux que quiconque, lire les œuvres de Godard de Sapienza. Il a su parfaitement les lire, et d'ailleurs, la preuve en est, je pense aussi, que Goliarda lui a confié la relecture des textes qui n'étaient pas encore publiés, puisqu'il y avait quand même eu des textes publiés avant L'Art de la joie. Il y a eu Lettre ouverte qui a été publiée chez Sellerio, qui n'est pas un éditeur mineur, un éditeur italien mineur, et le Fil de Midi qui a été publié, mais je pense, dans une plus petite maison d'édition. Et ensuite, c'est L'Art de la joie qui a inauguré, si je puis dire, une période beaucoup plus difficile du point de vue du point de vue de la publication, puisque ce livre a été refusé partout. Et il y a eu l'université de Rebibbia ensuite, donc environ 10 ans plus tard, dans les années 80, au début des années 80, qui a été publié. En qui revanche, a connu un succès, connu un vrai succès en Italie, un vrai retentissement. Sur la base d'un malentendu. On va revenir sur toutes ces questions et refaire avec vous la chronologie, Nathalie Castagnier. Angelo Pellegrino, lui, considère que ce sont les années d'enfance de Goliarda Sapienza qui ont le plus compté dans sa vie, et il précise bien d'enfance plus que d'adolescence. Je le pense, oui, on le dirait d'ailleurs aisément du fait qu'elle y revient énormément dans ses livres, dans tous ses livres. Alors, moins dans L'Art de la joie, à vrai dire. Les premières pages, disons. Non, mais c'est pas du tout son enfance que raconte L'Art de la joie. C'est même presque l'inverse de son enfance. On y reviendra peut-être. Elle a eu un coup de génie dans L'Art de la joie, mais qui était de se mettre du côté de ceux qu'elle n'était pas, mais qui étaient ceux qui occupaient complètement sa famille, son père et surtout sa mère, qui étaient des militants politiques, comme vous savez. Et donc, on peut expliciter peut-être un petit peu les choses. Oui, elle se met du côté des déshérités. Oui. Décrit la personne qu'elle n'est pas, alors qui décrit-elle et qu'est-ce que ça nous permet de comprendre de qui elle était réellement ? Alors, il faut revenir à l'enfance de Goliarda, effectivement. Elle naît de manière complètement, comment dire ça ? Pas marginale, enfin elle naît dans une famille recomposée, elle est née en 24, en pleine période fasciste, dans une famille recomposée de parents qui ne sont pas mariés et qui sont tous les deux des militants socialistes. Son père est appelé l'avocat des pauvres et sa mère, Maria Giudice, qui est le personnage presque majeur de la vie de Goliarda, en tout cas l'un des personnages majeurs, ça c'est certain, est une militante depuis toujours. C'est une Lombarde d'ailleurs, ce n'est pas du tout une Sicilienne, c'est une Lombarde mais qui a été envoyée par le Parti Socialiste en Sicile pour apporter la bonne parole. Pour apporter la bonne parole, exactement. Et donc ses parents se rencontrent comme ça. Et dans une manifestation. Alors, c'est possible, oui. ça, j'avoue que... C'est ce que dit Angelo Pellegrino. Je ne me souvenais pas de ça. Mais en tout cas, ils sont complètement pris dans la militance. Et il faut voir ce que c'est qu'être militant à cette époque. Et sa mère, d'ailleurs, est assignée à résidence en Sicile. Au bout de quelques temps. Et ils sont... Il y a des attaques fascistes chez eux. Enfin, c'est une vie qui n'est pas facile, qui peut se solder même par la mort. Et d'ailleurs, c'est le cas de Goliardo, dont on donne le nom à Goliarda. Et Goliardo était l'un des fils de Giuseppe Sapienza, qui a été très vraisemblablement tué, noyé par les fascistes au large de Catane. Pour bien comprendre l'importance de cette mère, Nathalie Castagnier, et aussi l'aura qu'elle avait dans la société italienne de l'époque, il faut redire qu'en 1916, elle était devenue la première femme à occuper le poste de secrétaire de la Chambre du Travail de Turin. De Turin, absolument. Et ensuite, elle avait été nommée secrétaire de la Fédération Socialiste de la Province de Turin, puis rédactrice en chef de l'hebdomadaire socialiste Le Cri du Peuple, auquel collaborait également Gramsci. Voilà. Donc c'est vraiment une personnalité. C'est une grande figure. C'est une grande figure. Et c'est évidemment écrasant alors. C'est un peu écrasant, certainement, pour Goliarda, spécifiquement pour elle, oui. plus que certainement plus que pour ses frères et sœurs. Ouais. C'est la petite dernière, Goliarda, et voilà, ça lui donne peut-être un statut spécial. Et en plus, c'est quelqu'un qui ressuscite un autre enfant. Alors ça n'est pas pas par rapport à Maria Giudice, mais par rapport à Pippo. Sapienza. Oui. Alors, avant de rencontrer, donc dans une manifestation, je crois, Monsieur Sapienza, sa mère avait déjà eu donc des enfants avec un certain Carlo Sivardi, qui lui aussi va disparaître tragiquement puisqu'il meurt à la guerre. Carlo Sivardi, oui, il meurt à la guerre et en plus, il y avait une rupture, enfin idéologique en tout cas, entre Maria Giudice qui était anti-militariste, enfin qui était contre la guerre en tout cas, contre l'engagement dans la guerre, et lui qui a voulu s'engager et donc il en est mort. Ouais. Et elle a donc des enfants avec lui, comme vous le disiez, dont l'une des filles, et c'est là où ça devient un petit peu scabreux, qui plaît beaucoup à son nouveau mari, le père de Goliarda Sapienza. Je pense qu'il y en a une ou même peut-être deux. En tout cas, il y a une fille qui s'en va dans le continent, comme on appelle l'Italie en Sicile pour échapper aux approches, disons, de son beau-père. Mmh. C'est traumatisant, sans doute, pour Goliarda Sapienza. Ce qui traumatise Goliarda de manière très claire, alors certainement cette histoire dont elle a au moins entendu parler joue son rôle là-dedans, et c'est la sensualité qu'elle sent chez son père qui la dérange quand elle est jeune adolescente. Mmh. Là, ses livres là-dessus sont très, très, très clairs. Après, elle se reproche d'avoir été injuste avec lui. Ben, injuste aussi parce qu'elle adorait sa mère et qu'il n'a pas été fidèle à sa mère. Mmh. Mais oui, je pense que c'est un peu traumatique quand même. Qu'est-ce qu'on peut raconter tout de même sur l'influence de son père, qui par d'autres côtés est quelqu'un qui lui apporte beaucoup, notamment elle hérite de lui sa connaissance du théâtre grec antique, dans un coin de l'Italie, la Sicile, où c'est encore évidemment très présent. De ce point de vue, son père est extrêmement important pour Goliarda et je pense qu'elle a eu à cœur de lui rendre justice après l'avoir beaucoup rejeté, un peu diffamé d'une certaine façon, parce que en effet, c'est lui qui lui fait répéter. Quand elle commence à s'intéresser au théâtre, à travers les marionnettistes, grande tradition sicilienne là aussi, c'est lui qui lui donne la réplique. Et d'ailleurs, il lui faisait lire, comme vous avez appris, je crois, par le livre d'Angelo Pellegrino, il lui faisait lire ses plaidoyers aussi. Oui, et alors, du coup, si, en fonction de comment Goliarda lisait les plaidoyer. Il voyait si c'était bien, si c'était réussi ou pas, voilà, si ça allait produire l'effet voulu. Beaucoup d'influence. Que disions-nous, Goliarda? Ah oui, nous parlions des marionnettes et du milieu dans lequel elles sont destinées à mettre en acte leur passion. Moi, comme mon père et mon grand-père, je sculpte leur visage. Et dans leurs traits, je fais en sorte qu'on entrevoie leur âme. Comment est-ce que j'ai appris ça? Avec l'œil et le souffle, en épiant jour après jour le souffle et les pensées de mon père quand il faisait les mêmes gestes, en écoutant le battement de son cœur quand, mettons, il colorait un grand œil étoilé, en respirant la sueur de ses muscles quand, avec effort, il poussait les marionnettes sur la scène et les faisait marcher. Et les mains, Commendator? Pourquoi est-ce que toutes les mains de vos marionnettes se ressemblent? Tu ne te résignes pas à ne pas tout savoir. Eh, Pitchounette! Bien, c'est un signe d'intelligence. Et je veux la satisfaire, cette intelligence. La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait de Moi, Jean Gabin de Goliarda Sapienza, lu par Georges Clès et Garance Clavel. Est-ce que vous retrouvez la personnalité avide de savoir, joyeuse aussi, de la petite Goliarda Sapienza dans ce personnage de Moi, Jean Gabin, qui est son livre, dit-on, le plus autobiographique? Je retrouve absolument Goliarda dans cet extrait, dans ce livre. Que ce soit son livre le plus autobiographique, je ne sais pas. Je pense que il y a plusieurs livres tout aussi autobiographiques que celui-là. Lettre ouverte, Le fil de midi, L'université de Rébibia et Les certitudes du doute. Même, je dirais, plus autobiographique, oui. Personnellement, parce que je pense que dans Moi, Jean Gabin, elle invente un personnage à partir de ce qu'elle a été. On est très près de ce qu'elle était. Mais je pense qu'il y a encore un reste de la fiction de l'art de la joie, enfin du caractère fictionnel de l'art de la joie, qui lui donne une liberté d'inventivité extraordinaire et qui donc fait nouveau d'ailleurs ce personnage merveilleux de... On ne sait jamais si c'est une petite fille ou une très jeune adolescente, on ne sait pas trop, qui admire tellement Jean Gabin, le Jean Gabin de Pépé le Moko et du Quai des Brumes, le Jean Gabin anarchiste, qu'elle veut absolument lui ressembler, l'imiter. Donc on voit cette petite Sicilienne qui marche, qui prend la démarche de Jean Gabin et qui vole au secours des jeunes femmes comme il le faisait, puis qui veut gagner sa vie pour être autonome. Selon un idéal socialo-anarchiste qui est le sien à l'époque et qui est un peu celui de sa famille aussi, que lui a soufflé sa famille. Et qui a cours dans ce quartier de San Berrio, de la ville de Catane. Oui, quartier démoli depuis. Quartier démoli, d'ailleurs. Oui. Mais quartier justement où pullulait une vie très intense, c'était un quartier très bariolé. Ça aussi, ça se retrouve dans l'œuvre de Goliarda Sapienza et même dans sa façon d'être avec les autres. Ça a été assurément extrêmement important pour elle de passer de sa famille très, très cultivée, très savante, à un univers... où elle croisait des gens qui faisaient qui empaillaient les chaises, des prostituées, des travestis, un monde complètement hétéroclite et des marionnettistes bien sûr. Oui. Et elle a appris beaucoup de choses. Parce que sa mère l'a poussée finalement à découvrir d'autres métiers. Voilà, exactement. On l'a poussée à découvrir d'autres métiers. Et ça, c'est une chose. Qui a, je pense, énormément compté effectivement dans sa formation. Et puis de Catane, on voit évidemment le magnifique Etna. Oui. On a comparé un petit peu Goliarda Sapienza. Son côté volcanique. Côté volcanique, tellurique, oui. Avec ce volcan. Oui. Je crois qu'elle aimait d'ailleurs s'y référer. Elle a dit qu'elle avait eu, je crois, ses premières règles sur les pans de l'Etna. Alors, je sais qu'elle l'a dit, je ne sais pas où, parce que j'ai cherché en vain dans les livres que j'ai traduits cette anecdote-là. Pour l'instant, je ne sais pas où elle a écrit ça, mais en tout cas, elle l'a dit. Et il y a un côté... En effet, volcanique et tellurique chez Goliarda Sapienza, mais aussi un côté extrêmement rationnel, qui venait peut-être de sa mère, et aussi un côté... contrairement à Elsa Morante, par exemple, elle ne se laisse pas vraiment aller à ses passions, Goliarda. Elle veut atteindre une sérénité. Mmh. Et ça, c'est extrêmement étonnant, finalement, de sa part. On ne s'attendrait pas absolument à ça. Parce que ces livres sont des livres de la passion, quand même. Ces livres sont des livres de la passion, mais ce n'est pas pour rien qu'elle a intitulé son grand roman L'art de la joie, et ce n'est pas pour rien qu'elle arrive à une espèce de, peu à peu, à une espèce de sérénité dans ce livre, et pas une sérénité... C'est pas du tout plane, au contraire, c'est une sérénité vibrante et je pense que c'est ce qu'elle cherchait réellement. D'ailleurs, Angelo Pellegrino en témoigne, elle cherchait réellement d'arriver à cet état-là. Goliarda était quelqu'un qui détestait le martyr. Mmh. Et vraiment, c'est une chose qu'on appréciait finalement, j'allais dire, dans sa famille, puisqu'il fallait aller jusqu'au bout dans l'engagement au prix de sa vie. Goliarda a fait de la résistance, elle a risqué sa vie et elle était prête à le faire. Et on peut dire qu'elle a risqué sa vie en vivant de la façon dont elle a vécu. Mais il n'y avait pas d'idéologie du martyr. Est-ce qu'il n'y avait pas, au moins dans l'enfance, un rapport tout de même à la religion? Très étonnant d'ailleurs dans cette famille qu'on imagine tout à fait athée. Alors il y avait un rapport à la religion c'est double, c'est-à-dire qu'il y avait, oui, au moins double, un rapport à la religion qui est très amusant d'ailleurs, puisque de manière fort intelligente, sa famille, Maria Giudice ne parlait pas négativement de la figure du Christ. Mmh. Et donc sa famille l'a laissé à un moment s'enthousiasmer pour cette figure, justement, jusqu'à lui confectionner un vêtement de nonne d'ailleurs. Bon, ça n'a pas beaucoup duré parce que quand elle est allée à la messe, ça l'a complètement refroidi, Goliarda. Il y avait ça, mais il y avait aussi ce qu'elle dénonce d'ailleurs dans l'Art de la joie notamment, c'est-à-dire une autre église dans les dogmes du militantisme. Mmh. Et elle n'en voulait pas davantage que de la première, elle-même. Alors en 1940, Nathalie Castagnier, Goliarda Sapienza a commencé à travailler pour une compagnie de théâtre sicilienne, puis elle est montée sur scène à Rome en 1942. Il faut raconter un petit peu cette première carrière tout de même de Goliarda Sapienza en tant qu'actrice de théâtre. Bien sûr, Goliarda s'est quand même, je pense, véritablement enthousiasmée pour le théâtre et donc à travers l'expérience des marionnettistes au départ et sans doute du théâtre antique. Sa mère, c'était pas le théâtre, mais sa mère l'a nourrie de l'Iliade et l'Odyssée aussi. Donc, il y avait quand même un influx général vers ces choses de très grande force, et ces œuvres de très très grande force. Et Goliarda, apparemment, a voulu aussi aller à Rome pour pouvoir arracher sa mère à la Sicile, à l'enfermement en Sicile, puisqu'elle elle n'était pas majeure, elle avait 16 ans quand elle est partie pour Rome, pour tenter sa chance, passer le concours de l'Académie des arts dramatiques. Et donc, Maria Giudice l'a suivie. Elles ne se sont jamais quittées, jamais. Mmh. Mais alors, ça va être quand même l'arrivée à Rome, le début d'une vie assez difficile, assez violente, et le début aussi de problèmes psychiatriques. Alors, mais notamment violente parce que la guerre arrive. Donc, forcément, ce sont des années difficiles. Et problèmes psychiatriques, d'abord, problèmes psychiatriques de sa mère, dont elle parle et dont elle ne s'est jamais remise, d'une certaine façon. Enfin, ça, c'était après la guerre, parce que Maria Giudice a toujours dit que le fascisme ne vaincrait pas, contrairement à pratiquement tous les autres qui étaient désespérés. Elle n'a pas relâché cette foi et elle s'est écroulée après. Et ça, c'est une foi que Goliarda Sapienza gardera elle aussi, qui fallait toujours faire barrage à tout type de fascisme. Absolument. Et sa mère s'est écroulée, a eu de graves problèmes psychiques qui étaient d'ailleurs en germe auparavant, ce dont Goliarda ne parle pas, mais ce qu'on a su peu à peu. Mais là, ça a été vraiment très très grave. Donc il y a eu ça d'abord. Et les problèmes psychiques de Goliarda elle-même sont plus tardifs. C'est après la mort de sa mère. Donc sa mère qui meurt en 1953. Oui. C'est donc le moment où Goliarda suit une vie d'actrice, y compris de cinéma. Elle a joué avec Visconti. Elle a même eu une liaison avec Visconti. Non, elle n'a pas eu. Vraiment. Ah, c'est une légende, ça ? C'est une invention. Ah, c'est une invention. Une invention pour faire taire Maria Schell qui l'exaspérait. Non, elle n'a pas du tout eu de liaison avec Visconti. Mais Visconti... Alors, en revanche, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il l'admirait énormément. Et d'ailleurs, il lui a demandé de travailler avec lui. Et elle n'a pas vraiment fait de théâtre avec lui, ou très peu, en tant qu'actrice. Mais elle a été répétitrice pour lui. Et notamment pour Les Nuits Blanches. Elle a eu un tout petit rôle, mais non crédité au générique, dans Senso. Et donc elle va arrêter le théâtre pour pouvoir se consacrer ensuite pleinement à l'écriture. Elle arrête surtout, oui, et le théâtre et surtout le cinéma, parce que le théâtre, elle l'avait déjà arrêté, surtout le cinéma, dans lequel elle était quand même très très engagée, à cause de son histoire, sa liaison, sa vie avec Cito Maselli. Pourquoi écris-tu, Goliarda ? Pour prolonger de quelques instants la vie des personnes que j'aime. Et avec la leur, la tienne, hein, renard de rusée ? Bien sûr. Qui déteste la vie au point de ne pas désirer que la sienne ne soit pas au moins un peu prolongée ? Bien. Alors peut-être un jour écriras-tu sur moi. C'est cela que Roberta voulait de moi ? renaître littérairement, personnage vivant dans un livre. Un désarroi nouveau me prend. Parviendrai-je, moi, privé par la marâtre nature de la joie d'enfanter, parviendrai-je à façonner à l'intérieur de moi ce petit cocon informe de chair pour en faire une petite fille, sinon belle et bonne, du moins pas difforme ou ne manquant pas de quelques membres ? Voilà la terreur ancestrale que toutes les femmes éprouvent à chaque fois qu'elles sentent grandir à naître en elles. Serais-je capable de surmonter cette terreur et, prenant papier et stylo, de me mettre à ce dur travail d'accouchement charnel et mental qu'il me faudra pendant des mois et des mois affronter chaque matin et peut-être à chaque heure ? Je ne sais pas. Extrait des certitudes du doute lu par Wanda Benesch. Qu'en retenez-vous, Nathalie Castagnier ? Que Goliarda dit quasiment tout, là. Son désir, en effet, de donner une existence prolongée aux gens qu'elle aime, et cette formule magnifique qu'elle a sur ce travail charnel et mental. C'est exactement ça qu'on rencontre dans l'écriture de Goliarda, et je crois aussi que c'est la raison pour laquelle se passe ce dont nous parlions au départ. C'est-à-dire l'attachement incroyable des lecteurs pour elle, pour cette œuvre, tout confondu. Alors quand elle se sépare de son mari, Cito Maselli, elle va rencontrer 10 années plus tard à peu près Angelo Pellegrino, ce sera en 1975. Est-ce qu'elle est déjà l'écrivaine qu'elle sera plus tard, du temps de Maselli, ou est-ce que finalement ça va s'approfondir comme ça, ce rapport à l'écriture, à partir de leur séparation ? Goliarda Sapienza s'est mise à écrire en 1953, après la mort de sa mère. Curieusement, donc c'est la mort de la mère qui donne l'impulsion. Comme si c'était... elle pouvait enfin le faire. Et probablement aussi les chocs de la mort de sa mère, j'imagine. Même si elle dit qu'elle a... Elle dit dans les carnets qu'elle a réagi pas si dramatiquement que ça. Mais sa mère lui a manqué toujours, toute sa vie, cela étant. Oui, c'est après, vraiment juste après la mort de sa mère qu'elle se met à écrire, et elle écrit probablement environ sur une dizaine d'années, mais beaucoup, beaucoup de poèmes qui ne seront jamais publiés de son vivant, très rapidement, après la mort de sa mère. L'écrivain qu'elle est, elle va le devenir petit à petit. Je pense quand même que les 10 années ou presque consacrées à l'écriture de l'art de la joie sont déterminants pour lui donner sa complète stature d'écrivain. Et ça, ce sont des années qui sont à cheval entre des années solitaires et les années avec Angelo Pellegrino. Elle a même eu peur à un moment donné que cette rencontre, d'une certaine façon, l'empêche de poursuivre. Oui, oui, Angelo raconte ça et je trouve que c'est très beau, très, très, très émouvant et très, très juste. Enfin, quand Goliarda se rend compte qu'elle tombe amoureuse d'Angelo Pellegrino, il la voit... Il ne sait pas pourquoi, mais il la voit un jour dans un état terrible. Elle pleurait, je crois, même. Et elle lui demande ce qu'elle a et elle lui dit « Je suis en train de tomber amoureuse, je ne vais pas pouvoir finir l'art de la joie ». En réalité, elle l'a magnifiquement fini. Oui. Mais parce qu'il lui a immédiatement dit qu'elle le finirait, qu'il ne serait pas un empêchement pour ça. Et effectivement, il a été très loin d'être un empêchement. Non, pour il l'a même complètement... épaulé, aidé à relire, et ils finissent par l'envoyer, on peut presque dire qu'ils l'envoient tous les deux, à un éditeur en juillet 78, et là ils s'en vont, en attendant la réponse, ils partent avec le Transsibérien, ils vont jusqu'en Chine. Absolument, ils partent en URSS et en Chine, et c'est à la fois un énorme choc pour Goliarda parce qu'elle voit que ce qu'elle soupçonnait sur le communisme réel est effectif, c'est-à-dire que c'est loin d'être idéal, et elle est en même temps complètement fascinée par la Chine et notamment par Pékin, où elle a envie de retourner, elle en parle souvent, et ce qu'elle ne fera pas évidemment. Oui, c'est un long voyage, et vous aviez raison de dire « ils envoient » parce que Goliarda est quelqu'un qui a beaucoup de mal manifestement à envoyer ses textes aux éditeurs. Enfin, elle a de plus en plus de mal parce que ça se... parce que juste ça ne se passe pas bien, évidemment, avec l'art de la joie, mais on sent qu'elle est réticente. C'est difficile pour elle est réticente, oui. Donc, l'art de la joie est finalement refusé. Oui. C'est sans doute trop choquant pour l'Italie de l'époque. C'est trop choquant par son contenu et c'est choquant par sa forme, je pense. C'est choquant par son contenu parce qu'il y a homosexualité, inceste, masturbation, enfin tout ce qu'il faut, des histoires avec Modesta qui tombe amoureuse de la mère supérieure, puis qui a une histoire avec celui qui a été l'amant de cette mère supérieure, puis avec la fille, enfin. Et tout ça sans culpabilité. Tout ça sans aucune culpabilité. Aucune culpabilité. Donc choquant évidemment parce qu'elle va très très très loin, très très fort dès le tout début du roman. Choquant par la forme parce que ce n'est vraiment pas ce qu'on attendait, un roman de ce type-là, qui d'ailleurs ne ressemble guère à d'autres romans, mais qui se rattacherait plus finalement au XIXe siècle quand même, peut-être qu'au XXe. Ce n'est pas du tout ce que l'Italie attend des personnes qui écrivent à l'époque. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'Elsa Morante, d'une certaine manière, a eu un peu le même problème avec Mensonges et Sortilèges, mais un peu, parce que de toute façon, elle n'était pas du tout dans la même situation sociale, j'allais dire. Nathalie Castagnier, on va poursuivre avec vous cette conversation sur Goliarda Sapienza, mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique de Maïalène Berasategui. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Maïalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire, bonjour à vous. Bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui d'Isabelle de Bourbon-Parme, une princesse italienne du 18e, qui était peut-être, vous allez nous le dire, une précurseuse de Goliarda Sapienza. Je pense qu'elle aurait bien imité la démarche de Jean Gabin aussi, ouais. C'est Isabelle de Bourbon-Parme, mais elle a ceci de particulier que, effectivement, c'est aussi donc une auteure en partie italienne, dont les écrits ont été redécouverts après sa mort parce que, notamment, leur dimension féministe était assez gênante de son vivant. Mmh. Et c'est la petite fille de Louis XV, pour vous situer, et elle a eu accès à une éducation d'une très très grande qualité parce que comme Parme était un duché complètement sous perfusion française, en fait, il y avait des philosophes comme Condillac, des gens comme Caraglio qui étaient là-bas. Et comme c'était un trou assez perdu, elle a eu beaucoup de temps pour écrire, elle a fait beaucoup de choses, elle a bossé sur le commerce, sur l'art militaire, l'éducation, elle a fait une autobiographie, elle a aussi écrit sur les hommes, ces gens qui servent à rien et qui ont beaucoup de pouvoir et avec lesquels il faut composer. Elle a aussi fait de la musique, enfin c'est quelqu'un de très très très brillant. Alors aujourd'hui, elle est surtout connue pour ses lettres à Marie-Christine d'Autriche. Est-ce que vous pouvez revenir, Maïalène, sur cette correspondance? Alors, c'est une correspondance qui a été publiée par Elisabeth Badinter sous le titre « Je meurs d'amour pour toi », donc ça vous donne une idée du contenu. Mmh. Et donc en fait, Isabelle de Parme, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un renversement d'alliance. Les Bourbons se sont alliés aux Habsbourg et donc elle a été destinée d'un coup à épouser Joseph II, qui était le fils de l'impératrice d'Autriche, qui n'était pas encore empereur. Donc elle arrive à Vienne, c'est l'ancienne ennemie et elle a 18 ans, et elle tombe amoureuse de la sœur de Joseph, qui s'appelle Marie-Christine. Et qu'il y en a 17, et sachant que toutes les deux, elles sont clairement pas bêtes et qu'elles n'ont pas de pouvoir. Donc, comme Schönbrunn, c'est grand, du coup, elles correspondent beaucoup par lettres, et c'est une correspondance qui est à la fois amoureuse, familiale, littéraire, politique, mais ça dure très peu de temps parce que Isabelle devient de plus en plus obsédée par la question de la mort et de plus en plus dépressive. En fait, elle meurt à 21 ans. Alors, que sont devenues justement ces lettres après la mort d'Isabelle ? On a eu beaucoup de chance parce que celui qui est devenu le mari de Marie-Christine d'Autriche, qui est Albert de Saxe-Teschen, a conservé ses lettres, mais les réponses de Marie-Christine, elle, on les a jamais retrouvées. Sachant que tous les deux se sont mariés parce que, avant de mourir, Isabelle a laissé à Marie-Christine un texte qui est en gros « Comment manipuler ta mère ?» qui est un texte de plusieurs pages sur le fonctionnement psychologique de l'impératrice d'Autriche. Et donc Marie-Christine a réussi à, un, épouser un garçon qui n'avait pas grand-chose, ce qui n'était pas donné au départ, et deux, récupérer un état pour elle et son mari pour qu'il le gouverne, cet état étant les Pays-Bas autrichiens. Donc autant vous dire que si Isabelle de Parme n'était pas morte à 21 ans et si elle avait été impératrice d'Autriche, peut-être que toute l'histoire de l'Europe aurait été changée. Allez-y, c'est vraiment bien. Merci Maïalène Berasategui pour ce morceau d'histoire littéraire. À très bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de l'écrivaine italienne Goliarda Sapienza, dont la traductrice Nathalie Castagnier nous raconte la vie et même, pourrait-on dire, l'attitude de vie. Est-ce qu'elle avait le sentiment de subir une certaine forme de censure ? Absolument, si. Absolument, bien sûr. Et ça alimentait un petit peu de paranoïa qu'elle conservait des années du fascisme. Elle se considérait un peu comme persécutée. Les refus, bien sûr, accentuaient cette impression-là. Modesta exprime la libido, le désir de libération dans tous ces aspects. En plus, quand Goliarda termine le roman, et ce sont les années de plomb. Modesta peut être vue comme une terroriste. Elle souffrait évidemment beaucoup des refus, comme tout le monde en souffre. Mais elle le savait, elle faisait en sorte de sauver la journée, le temps de la journée, la beauté de la journée, qui était pour elle l'unique mesure du temps, en fait. Elle avait le génie de savoir organiser la journée comme un petit chef-d'œuvre. Elle savait aborder la journée avec sérénité, et pas seulement aborder, donner un caractère de sérénité et d'harmonie aux journées, et dans tout, même les petites choses, enfin la cuisine. Elle abordait aussi ce temps donc restreint comme une combattante. La voix d'Angelo Pellegrino, le mari de Sapienza. Dans votre traduction, Nathalie Castagnier, c'est assez beau cette manière d'envisager le temps qu'elle avait. Qu'est-ce que ce serait une journée ? Qu'est-ce que c'était même une journée de Goliarda Sapienza ? C'était une journée simple, partagée sans doute entre, quand elle le pouvait, entre un travail, disons, intellectuel et des choses très matérielles. Très concrète, elle aimait beaucoup faire la cuisine, elle la faisait très très bien apparemment. C'est ce que dit Angelo Pellegrino, vous ne s'en plaignez pas visiblement. Non, voilà, exactement. D'ailleurs, elle parle aussi de choses qui sont moins agréables à faire, comme le ménage. Dans ses carnets, il est pas mal question de ça, parce que Goliarda est quelqu'un qui a été pauvre dans la seconde partie de sa vie. Ils ont fait quand même tous les deux le choix de la pauvreté époque où l'Italie était, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, pendant les Trente Glorieuses, tout de même très prospère. Oui. Même finalement les communistes de leurs amis vivaient tous très bien. Oui. Et ça, Goliarda a fait le choix de la pauvreté en se consacrant à l'art de la joie. Elle a rompu avec le milieu dans lequel, enfin rompu pas complètement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais elle a quand même largement rompu avec le milieu dans lequel elle évoluait menant une vie complètement solitaire, enfin en rompant avec Cito Maselli, en menant une vie complètement solitaire pour écrire. Et ce n'est pas aux gens qu'elle connaissait avant qu'elle lisait. Elle a lu des pages à une certaine Pilou, qui est quelqu'un qui travaillait dans le milieu du cinéma, mais qui n'était pas du tout connu. Voilà, ça a été vraiment enfin un choix, parce que de toute façon, elle s'est enfermée, elle a écrit, elle n'a plus fait que ça. Donc, elle n'avait plus d'argent. Donc, écriture le matin, marché l'après-midi ou en fin de matinée, et puis... nager et même plonger. Nager et plonger quand elle était dans un lieu qui le permettait, c'est-à-dire pas à Rome. Non, tout de même pas dans le Tibre. Mais à Gaeta, à Catane, elle le faisait enfant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez ça, certaines photos d'elle, on voit qu'elle a une petite blessure au front qu'elle s'était faite en plongeant, parce que je crois qu'on l'avait poussée sur des rochers. Et donc, elle a gardé cette blessure-là qui nous montre qu'elle faisait des plongeons dangereux d'ailleurs. Elle s'était blessée aussi au bras, alors pas en plongeant, mais en courant sur les escaliers. Oui, c'était la fin d'une carrière possible de pianiste. Oui, d'après ce qu'elle dit, oui, absolument. Mmh. Oui, il y avait un de ses frères, Arminio, qui était un très bon musicien, manifestement. Et tout ça comptait beaucoup aussi dans la formation et dans le milieu familial où évoluait Goliarda, enfant. Donc l'après-midi, c'était plutôt la lecture. Alors il paraît qu'elle s'intéressait à tout, hein, la littérature bien sûr, mais aussi la médecine, la philosophie des Lumières, française essentiellement. Oui, c'est très net dans sa philosophie, je pense. Oui. Et le soir, ça n'était pas non plus une vie totalement coupée du monde. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas avoir de télévision. Il paraît qu'elle avait même jeté la seule télévision qu'on lui avait offerte. Et il sortait donc tous les soirs s'il le pouvait. Alors elle sortait assez souvent, mais quand même quand on lit les carnets, on voit qu'elle ne mène pas non plus une vie frénétique de sortie, parce qu'elle dit que c'est impossible d'écrire et de sortir trop. Donc je pense que dans la seconde partie de sa vie, elle n'est pas énormément sortie, mais c'est pas du tout quelqu'un qui mettait l'ascèse, qui prônait l'ascèse non plus. Elle regrettait, la rigueur, mais pas l'ascèse. Voilà, et elle regrettait même que le fait d'écrire l'oblige à une certaine ascèse quand même. Enfin, elle le regrettait. Elle disait, voilà, on se prive de beaucoup de joie de la vie en écrivant. Toujours est-il qu'elle fréquentait quelques aristocrates, oui. Et qu'elle a un jour fomenté, alors qu'elle se trouvait dans le besoin depuis de très nombreuses années, un plan pour voler les bijoux d'une de ses amies aristocrates, Nathalie Castagné. Oui, elle a en réalité... elle l'a fait de manière complètement déterminée, non seulement parce qu'elle était dans le besoin, mais surtout pour en réalité, d'après ce qu'elle explique, surtout pour se couper de ce milieu dont elle voulait vraiment se débarrasser. Et elle a tout fait pour être découverte, d'ailleurs. Enfin, 2 ans plus tard, quand même. Ça a duré un certain temps, en effet. L'investigation n'a pas été très rapide, mais quand on l'a attrapée, on voulait la relâcher, en réalité. Mmh. Mais elle voulait absolument aller en prison. Alors, elle a parlé, évidemment, de son expérience de la prison dans plusieurs de ses livres, mais aussi... dans ses carnets. Je vous propose d'entendre à présent un extrait de ses carnets lu par Vanda Bénèche. Écrire ici est impossible. On le pourrait peut-être après une installation de 3 ou 4 mois. Tous tes mots sont remis en question dans ton esprit. Tu ne crois plus que les mots utilisés dehors aient été justes. Le monde extérieur te semble rêver, et ici, dans cette réalité nouvelle, on parle un autre langage, que tu ne parviens pas à saisir, et pour l'instant, en conséquence, pas à exprimer non plus. Tu ne peux pas regarder la télévision. Tout te paraît lointain, inventé par un metteur en scène fou qui ne sait rien de la réalité. Parce que notre réalité est dans l'inconscient. Dehors, nous arrivons à le refouler, tandis qu'ici, il explose dans toute sa force. Ça se passe pour tout le monde, je l'ai touché du doigt. Les propos se font enfantins et les rêves primaires, de la même façon que les réactions à un regard, un geste ou un objet. La chose la plus terrible que j'ai rencontrée ici, et que je ne pouvais pas imaginer, est qu'en prison, on n'arrive pas à être seul, et donc à lire, à étudier ou à écrire. On est enfermé, mais au milieu des gens. Par chance, je m'étais habituée à écrire aussi dans un wagon plein de monde, dans un bar, etc., et sans table. Autrement, je n'aurais même pas pu prendre ces quelques notes. Bien sûr, avec une condamnation longue, peut-être, on peut obtenir une cellule individuelle et tenter de se concentrer. Mais il semble que dans ce cas, la solitude, avec la claustrophobie qui va avec, se décuple de façon terrifiante. Je l'ignore et je ne pourrais le comprendre qu'en l'expérimentant en réalité. Compagnie des auteurs. Combien de temps va-t-elle rester à la prison de femmes de Rebibia? Mais en réalité, très peu. Très peu de temps, c'est très ça. Très peu. On l'en a fait sortir très vite. Et pas assez longtemps, finalement, pour elle. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que quand on lit l'université de Rebibia, on a l'impression qu'elle est restée longtemps. Et elle dit d'ailleurs que le temps s'étire de manière étrange en prison, mais oui, peut-être qu'elle aurait voulu rester un peu plus. Et non, ce qu'il y a de paradoxal quand on entend ce qu'elle écrivait, c'est que ça a été quand même, après coup, une très grande, ça crée un très grand élan d'écriture chez elle. Ça a été une vraie renaissance quand même, ce passage. Oui, ça a été une renaissance. Mais alors pourquoi ? Parce que elle s'est trouvée finalement davantage de plein pied avec les personnes qui étaient là, à l'extérieur. Elle s'est retrouvée dans quelque chose de plus véridique. Et notamment, elle a rencontré cette jeune fille, Roberta. Alors, voilà, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a en réalité deux temps dans l'emprisonnement de Goliarda. Elle est avec les prisonnières de droit commun, qui sont des femmes du peuple. D'ailleurs, ça vaut des pages extraordinaires. Selon moi, c'est presque ce qu'il y a de plus beau dans l'université de Rebibia. Vraiment, c'est en couleur, mais c'est très beau en même temps. Et puis, elle se retrouve avec des militantes qui sont souvent des droguées aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de... Des militantes et des révolutionnaires? Des révolutionnaires. Des filles qui ont d'ailleurs leurs amis dans la prison voisine, des gens des Brigades Rouges, enfin. Et donc, il y a ces deux éléments. Ces deux mondes qu'elle côtoie, elle est en admiration devant les jeunes femmes qu'elle rencontre, où elle retrouve probablement, enfin, elle retrouve quelque chose d'elle-même, où elle se projette probablement un peu dans ce qu'elle aurait pu être 20 ans plus tard, si elle était née 20 ans, 20, 30 ans plus tard. Mais dans le climat des prisonnières de droit commun, dans l'univers des prisonnières de droit commun, elle se trouve confrontée à un univers où on ne peut pas mentir, où il n'y a plus toutes les sinuosités que permet la vie, une vie sociale ou mondaine, et elle trouve ça extraordinaire en même temps que très dur. Et elle est amoureuse tout de même de cette jeune fille, Roberta ? Pas en prison. Plus tard ? En réalité, c'est quand elle la retrouve, me semble-t-il. Ce que racontent les certitudes du doute, c'est quand elle la retrouve qu'elle est complètement subjuguée par Roberta. Et oui, d'une certaine manière amoureuse d'elle, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est une relation sur laquelle on ne peut pas complètement mettre de nom non plus. Et je trouve d'ailleurs que c'est une chose extraordinaire parce que finalement, on retrouve ce que Goliarda raconté dans L'art de la joie, où elle ne veut pas qu'on mette dans des cases, en tout cas, les rapports entre les êtres. Et c'est ce qui se passe avec Roberta. Est-ce que Goliarda aurait vraiment désiré un rapport homosexuel ? Je n'en suis pas sûre du tout. Il y a pourtant un immense intérêt pour les femmes, un intérêt qui mental et charnel, pour reprendre ces termes les termes qu'elle employait pour son écriture. Mais dans les carnets, elle dit qu'elle est gênée d'une certaine manière par la nécessité de passer à l'acte. C'est un peu ce que dit son mari, que finalement, elle avait cette curiosité pour l'être humain qui s'étendait du coup aux femmes de cette façon-là aussi. Et de manière curieuse, Angelo Pellegrino dit aussi, oui, c'était les femmes, c'était la grande affaire de Goliarda. En même temps, elle a vécu 20 ans, deux fois 20 ans avec un homme puis un autre. Mais c'est vrai qu'elle était fascinée par les femmes. Alors il faut préciser qu'il existe aujourd'hui un prix Goliarda Sapienza, qui est un prix qui récompense chaque année 20 récits de prison écrits par des détenus. Est-ce que cette expérience l'a sortie d'elle-même et de ses difficultés à vivre, ou est-ce que ça n'est qu'une parenthèse ? Selon moi, ça a été vraiment une parenthèse. Et d'autant plus qu'elle a écrit très vite après l'université de Rebibia Les certitudes du doute, et que là encore, Les certitudes du doute ont été refusées par les éditeurs. Et ça, c'était très logique d'ailleurs, si on pense au temps dans lequel elle écrivait, parce que sa fascination pour une gauchiste ne pouvait pas très bien passer en Italie à cette époque, entre autres choses. Voilà, et ça a été refusé, et ça a été le dernier livre qu'elle ait présenté à un éditeur. Et je pense que le grand moment d'arrêt des carnets, il y a quand même 8 ans, je crois, où elle se tait, où elle ne rédige même plus les carnets, c'est lié au fait qu'elle écrivait, mais c'est lié aussi au fait qu'elle est retombée dans une espèce de dépression qui était probablement liée à une forme d'échec de ce grand coup qu'elle avait fait en s'arrangeant pour aller en prison. Elle disait que elle comprenait, en faisant en sorte d'aller en prison, le geste d'Althusser qui avait étranglé sa femme, qu'elle en était là. Oui, mais ça, je pense que c'est par rapport au dogmatisme. Enfin, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que elle n'en pouvait plus du dogmatisme qu'elle voyait se prolonger chez ses amis communistes. Et apparemment, la femme d'Althusser était une dogmatique pure et dure. Et c'est pour ça qu'elle dit ça. Alors, elle meurt le 30 août 1996. Elle n'est pas vieille. Ça se passe dans sa maison de Gaeta. Oui. Elle va chercher des cigarettes. Elle meurt chez elle. Elle tombe dans l'escalier. Elle tombe dans l'escalier d'un arrêt cardiaque. Elle est seule. Elle est seule parce qu'ils étaient séparés avec Angelo. Enfin, ils ne vivaient plus ensemble, même s'ils se voyaient, ils se retrouvaient très souvent. Mais ils avaient quand même, chacun menait sa vie. Et donc, elle est seule et on la retrouve, je crois, deux jours plus tard. Oui, d'un arrêt cardiaque. Elle est morte debout, comme elle le voulait, du cœur, ainsi qu'elle l'avait prévu, écrit donc son mari Angelo Pellegrino. Oui, elle prévoyait une mort par arrêt cardiaque, c'est ce qui s'était passé avec son père. Alors on parlera demain de l'art de la joie, oui. Mais on peut peut-être terminer cette émission quand même en évoquant ce qui est ce très grand roman et que vous avez vraiment fait connaître avec Frédéric Martin, qu'on rencontrera demain. Oui. Alors quand elle parlait de la manière d'où lui était venue son idée du personnage de Modesta, qui est donc le personnage principal de l'art de la joie, elle répondait « ça m'est venu de Nabokov ». Pour quelle raison? Alors ça, c'est une énigme absolue, ne serait-ce que pour moi aussi. Hein. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi de Nabokov. Là, alors, vraiment. Elle précisait quand même que Nabokov avait dit au moment où il avait écrit Lolita qu'il avait voulu, en racontant cette histoire de pédophile, dont on parlera d'ailleurs la semaine prochaine dans la compagnie des auteurs, qu'il avait voulu raconter l'une des trois histoires impossibles à raconter dans la société américaine, donc une histoire de pédophilie, ou l'histoire d'un amour idyllique entre une noire et une américaine blanche, ou l'histoire d'un athée qui serait matérialiste, qui achèverait sa vie sereinement, sans repentir, ni peur de la mort. Oui, donc c'était une histoire transgressive, en fait. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Parce que sinon, le lien avec Nabokov ne saute pas aux yeux, je trouve. Mais je pense que c'était ça. Dans le style, pas du tout, non. Voilà. Mais l'histoire de l'art l'aventure de l'art de la joie, c'était une grande histoire, effectivement. Parce que il y a eu comme un passage de passion, Angelo, une agente allemande, moi, Viviane Ami, Frédéric, les libraires, les lecteurs, enfin, c'était vraiment comme un feu qui se propageait. Oui. Et qui se propage toujours. Et qui continue à se propager, oui. Et puis, alors, il faut quand même revenir aux carnets qui, je trouve, sont devenus un grand livre. Vraiment, une chose assez étonnante, puisqu'elle ne voulait pas écrire de journal intime. D'ailleurs, ce n'est pas un journal intime. Et en même temps, le fait que Angelo lui ait donner ses carnets et qu'elle se soit finalement passionnée. C'est son mari qui donc lui offre ses carnets vierges. Hein, voilà. Et qui lui dit, vas-y, écris. Oui, en craignant que, je pense, la retombée après l'art de la joie, parce que quand même, on n'écrit pas pendant presque 10 ans un livre comme celui-là sans qu'il y ait une retombée après. Et il lui offre ça et ça lui permet en réalité d'écrire le livre qu'elle n'a pas pu écrire par ailleurs. Ça, c'est magnifique. Des carnets et de l'art de la joie, nous parlerons dès demain. Merci beaucoup, Nathalie Castagnier. Je rappelle que vous avez donc traduit tous les livres de Goliarda Sapienza pour les éditions du Tripode. Et avant cela, pour Viviane Ami, le Tripode dont nous recevrons demain le directeur, je le disais, Frédéric Martin. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Garance Mazelier et Nasser Moussaoui. Et puis on termine ce numéro, comme chaque jour, avec des textes poétiques choisis et lus par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour La Compagnie. Bon, alors, pour aujourd'hui, on finit le travail avec Antoine Mouton. Au moins, on l'avance. C'est un chômeur, Antoine Mouton. Ben, faut croire qu'il l'était. Hein, alors, ça se fait écrire, ça écrit « chômage monstre ». Et puis, ça devient poète. Voilà. Mais le travail, lui, ben le voilà, le travail, c'est... J'ai creusé où on m'a dit de creuser. J'ai pris ma pelle et ma pioche, j'ai mis mon casque et mes œillères. J'ai vu quand même, le travail est un mensonge. Bon, ça c'est dans un poème qui s'appelle « Après quoi ?» Chômage monstre. J'ai eu un emploi, on m'a donné un emploi du temps, je n'avais plus de temps pour moi. J'étais pillé, employé pour le temps que je représentais. J'ai donné mon temps, j'ai donné mon sang, j'ai jeté mes gants, j'ai mis la main à la pâte, j'ai donné la pâte à la main qui voulait me la prendre. J'étais du temps, on m'a découpé en tranches fines, on m'a roulé dans la farine, on m'a recouvert de papier, je ne pouvais pas me périmer, pas m'avarier. J'étais salarié, j'avais un sale air de pauvre. La question est celle de l'échange. Je veux dire, l'échange existe-t-il vraiment ? Je veux dire, l'échange autre que celui d'un corps contre une vie. Ou bien, est-ce la même chose ? Un corps contre un corps ? Une vie contre une vie ? 2 centimes contre 1 centime ? J'ai gagné de l'argent, j'ai perdu du temps. J'ai jeté mon temps dans le poulailler, j'ai donné du grain à moudre tout picoré. D'un autre poème, dire, entendre, penser... Personne ne dit jamais rien, tout le monde parle tout le temps, tout le monde se tait sous les mots, se tapit, s'aplatit sous les mots, se réfugie, puis change aussitôt de refuge. On soulève un mot, rien dessous, le locataire est en fuite, le colocataire est au boulot. Le sous-locataire est dans la rue, il traîne son silence en silence, il trimballe son bruit tout seul, il a laissé son cri dans une chambre d'hôtel, il doit des nuits que les jours ne paient pas, il a perdu ses papiers, ses mots sont tombés du radeau, de toute façon, on les lui aurait confisqué. Quant à la concierge, elle est dans l'escalier, dit le panneau. Mais le panneau ne dit pas quel escalier, tout le monde tombe dans le panneau, il faut être dans ses petits papiers, rien ni personne à déclarer, dévoiler la clarté des personnes absentées. Autre poème. Maintenant. Maintenant, il faut accrocher au mur. Il ne faut parler à personne dans la cage d'escalier. Il faut monter les marches 4 à 4 et tourner le verrou. Il faut se caler sous les draps quand on tape à la porte et s'immobiliser. Il faut laisser couler l'eau et regarder l'évier déborder sans se jeter sur une éponge ou sur un seau. Il faut courir, il ne faut pas se montrer. Il faut courir lentement ou marcher vite. Il faut courir lentement mais pieds nus et s'agripper à tout ce qui s'effondre avant que ça s'effondre. Il faut tenir à soi très fort mais pas trop parce qu'on n'est jamais sûr que soi soit quelque chose qui tienne. Il faut éplucher les carottes, il faut manger les épluchures, il faut gratter les casseroles avec un coton-tige, il faut se taire et laisser les rideau tiré, mais pas trop longtemps parce qu'il faut donner des signes d'occupation, mais irrégulier. Il ne faut pas laisser croire que quelque chose se passe. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes d'Antoine Mouton.